Habitué d'être la cible, pas pitié, j'guette la fuite, pète la vite. On vient décapiter vos têtes d'affiche, accroché à ma routine. Même si branché, j'prendrais plaisir à lui trancher la carotine. J'aiguise des couplets de pages, j'découpe les pages. Ils ont leur coup d'éclat qu'on n'écoute même pas. Ils ont enfui leurs principes, aucun doute ma gueule. Ils ouvrent ainsi pour que leur bouche accueille le bout de ma queue. J'vais faire face à leurs barrières, les palier en brandissant fièrement ma bannière. Sur un tas de sang, j'frappe le sang. Ils parlent de son, moi j'mets l'accent sur une flaque de sang. Putain, y'en a marre des rétents longs. Mec, on voit la maille, on a la dalle et les dents longues. J'fixe leurs entrailles, j'rime, j'les enzaille. Détends-toi, bim, ma cellule dans ta gueule. Pendant qu'il parle de classique, je fais dans la dégueulasserie. Si j'ai pas ma part du gâteau, je me contenterai que de la cerise. La suite dans les idées, pas d'idées pour la suite. Ils disent avoir le bras long, ils se prennent tous pour Dalsim, putain. Je les envie pas, je les emmerde et leur vitrine. Je fais mon tapas au micro, gros, je l'imagine pas en friterie. Faut du liquide, mes fuck, lorsqu'une époque sèche, mes fuck. La pâte, c'est pas de salive pour faire du lèche vitrine. Allume la mèche, j'y vois que dalle dans ce décor glauque. Dialogue avec des corps derrière tes portes closes. Les gros plantés du nord au sud, mes agiles l'auront reçu. Observe des traces de morsures que je laisse dans chaque morceau. Marre des raies dans l'ombre. Rien à foutre, on a la dalle et les dents longues. Froid, si c'est la face cachée de l'iceberg. Peu importe la liaison, on fond, on reste attaché à ce berg. Mais je les entends de loin, mais je les écoute pas. Je les vois partout, ils ont l'air gardés. Ça me poussera à m'en écarter. Leur millésime, un coup de pisse, il paraît. Oublie tout de suite ces pauvres bites, tous disparaissent. Cellule en déploiement. Cellule en déploiement. Laisse tomber tous ces poids morts. Cellule en déploiement. Laisse tomber tous ces poids morts. Cellule en déploiement. Je les entends de loin, mais je les écoute pas. Je les vois partout, ils ont l'air gardés. Ça me poussera à m'en écarter. Leur millésime, un coup de pisse, il paraît. Oublie tout de suite ces pauvres bites, tous disparaissent. Cellule en déploiement. Cellule en déploiement. Laisse tomber tous ces poids morts. Cellule en déploiement. Laisse tomber tous ces poids morts. Cellule en déploiement.